je tire ma répute comme à mes couilles. Toute la France est à l'écoute, personne me calcule et maintenant ils veulent tous qu'on se serre les coudes. Je fais confiance à mes doutes, tu me crois pas, bouge à l'écoute. Ils me critiquent à l'époute, jusque d'or ils me salissent tous. J'ai plus la potion, tous les jours je fais des gros sons. Je pas les autres quand je débarque dans leur ville, ils sont sous tension. J'avance le cœur glacé, je vois plus les jours passer. Au quartier c'est la merde, ils veulent tous faire les sous pour se casser. Braco, cambu ou agression, moi perso je fais plus rien au studio, je taflard du son. La crise au mic sur les guisons, pour moi y'a que des bazars. Ça fait que maintenant je me fous de savoir qui ils sont. Pas fort à l'école, moi je suis allé jusqu'en 3ème. Je viens de sortir un album, j'enregistre déjà le 3ème. Joule est dans le game, poto. C'est normal. Ils me rabaissent, me jalouse, mon gros. C'est normal. Ils s'attendaient pas à me voir venir. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai ton avenir. Joule est dans le game, poto. C'est normal. Ils me rabaissent, me jalouse, mon gros. C'est normal. Ça gratte, ici ça plaque, ça crée à racaille à la bac. Ici ça fraude, ici ça carte et ça fait tout ça normal. J'arrive dans le rap comme un loup, je me prends pas pour un autre. Les gars, one c'est trop carré, personne pourra faire comme nous. Ils se disent, mais qui sommes-nous? Ils suivent pas trop le move. J'arrive en concert, la foule crie, ça résonne comme au Camp Nou. Laissez-moi que je vide mes nerfs, ils sont trop lents, moi j'accélère. Laissez-moi, je suis ailleurs, si je t'écoute pas, ben je crois que c'est l'herbe. Là, je crois que c'est l'heure, je suis venu pour leur casser leur cul. Partout y'a des calages, sert à rien de faire le Hercule. Autour du poignet la Bretley Ing, avec ma dream team sur les plages de Beverly Hills. Chez moi ça écoute du doule, des flammes jusqu'à la granière. Ici c'est quartier chaud, ça voit les chemises, pas de marche arrière. C'est pour les mecs qui ont qu'une parole, ça défauche même un paillole. J'rentre dans le game casse-pédier, un peu comme les mecs de la caillole. La sauvagère, j'suis cacaïste. Pas de bonjour aux bijoutiers, vas-y remplis, cache la valise. À ce qui paraît, ça m'écoute dans toutes les banlieues de Belize. La mal chargée, ils s'en battent les couilles que tu les verbalises. Joule est dans le game, poto. C'est normal. Ils me rabaissent, me jalouse, mon gros. C'est normal. T'attendais pas à me voir venir. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai ton avenir. Joule est dans le game, poto. C'est normal. Ils me rabaissent, me jalouse, mon gros. C'est normal. Ici ça gratte, ici ça plaque, ça crie à racaille à la bac. Ici ça fraude, ici ça carte et ça fait tout ça normal. Joule est dans le game, poto. C'est normal. Ils me rabaissent, me jalouse, mon gros. C'est normal. Ils s'attendaient pas à me voir venir. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai ton avenir. Joule est dans le game, poto. C'est normal. Ils me rabaissent, me jalouse, mon gros. C'est normal. Ça gratte, ici ça plaque, ça crie à racaille à la bac. Ici ça fraude, ici ça carte et ça fait tout ça normal.